Aha! Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Jusqu'à l'aube danser, jusqu'à l'aube mon ami. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Jusqu'à l'aube danser, jusqu'à l'aube mon ami. Aha! Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, Chef Fatimata.